Fous donc ton gilet pare-balles. Fous donc ton gilet pare-balles. À base de pop, pop, pop, pop. À base de pop, pop, pop, pop. Bonjour, bonsoir, salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de notre podcast à base de papa papa. Je suis Grégoire. Et je suis Alexandre. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions d'abord à nous présenter. Je m'appelle Grégoire et je suis l'heureux papa de deux enfants, mon fils Elliot qui a 5 ans et ma fille Céleste qui a maintenant 3 ans. Et je m'appelle Alexandre et je suis le papa d'une petite Agathe qui vient d'avoir 13 mois. Je me marre parce que déjà tu comptes en moi, ça oui. Me fait marrer. C'est important à cet âge-là. Mais tu comptes en moi depuis le premier jour ? Non, au début je comptais en jours, voire même en heures, donc petit à petit ça se décale. Petit à petit ça devient des ordres de grandeur de plus en plus importants. Et pour l'instant, chaque mois en fait on lui célèbre comme si c'était quelque chose de super important, alors que j'ai essayé de célébrer avec Madeleine ses 30 ans et 2 mois, mais elle s'est demandé pourquoi je voulais célébrer ça. Encore aujourd'hui, vous fêtez le mois, enfin elle est née le combien ? Elle est née le 18 juin. 18 juin. Et j'ai eu un moment de blanc parce que je me suis dit, moi, je vais oublier la date en direct sur les ondes. Je couperai le blanc et je ferai directement. Elle est née combien ? Elle est née le 18 juin. C'est normal. Et du coup, tous les 18, par exemple, demain, c'est le 18 juillet. Vous allez lui souhaiter ? Merci pour le rappel. Non, mais quand je dis qu'on le fête, c'est qu'on lui célèbre à notre façon. On lui indique et puis on a l'impression qu'elle nous entend et qu'elle est heureuse de savoir qu'elle grandit, mais effectivement, il y avait eu quelque chose pour les 6 mois et forcément pour l'anniversaire, mais après au quotidien, il y a juste une petite présence supplémentaire pour ces jours-là. D'accord, ok. Bon, et toi, du coup, t'as combien de mois aujourd'hui ? Eh ben, écoute, je dois pas être loin des 400 mois. Ah oui, bientôt. Ah, c'est pas mal. Bah, tu feras une fête ou pas ? Bah, oui, on va faire les 400 coups d'ailleurs pour les 400 mois. D'accord, très bien. Un peu de pop, pop, pop. Alors du coup, ma première question, c'est sur le toi, ton appréhension, comment t'étais avant d'être papa. Est-ce que t'étais un papa qui avait hâte ? Est-ce que t'étais un papa qui était archi prêt ? Ou est-ce que tu savais pas trop comment te placer, ce que t'allais faire Est-ce que t'avais beaucoup d'angoisse ou est-ce que t'étais plutôt détendu ? C'est intéressant comme question parce que déjà, je trouve que dans les mois qui s'écoulent, j'ai toujours cette image du film Men in Black et j'ai toujours l'impression que quand les mois passent, en fait, il y a ce petit outil qui te permet d'effacer la mémoire et qui te fait dire que c'est une bonne question parce que c'est très compliqué de s'en souvenir. Maintenant, l'image que j'en ai, c'est que je n'étais pas forcément prêt. Après, je n'étais pas forcément prêt, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais pas inquiet parce que je me rendais pas bien compte de l'ampleur de la chose. Et c'est peut-être la clé et la chose qui m'a peut-être sauvé dans cette histoire. Mais ce qui est surprenant, c'est que je pense que déjà, si je compare à mon épouse Madeleine, c'est qu'on avait une approche différente. C'est-à-dire que moi, je stressais pour les choses de très court terme des tout premiers jours. Mm-hmm. Je me dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour un jour changer une couche ? Mm-hmm. Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'au bout de 10 jours, techniquement, tu as déjà eu 40 opportunités de le faire. Donc, même si tu as raté les 3 premières, à la limite, c'est pas forcément bien grave, alors que je sais que potentiellement mon épouse Madeleine aura peut-être se poser plus des questions à l'échelle de l'intégralité de la vie de notre petite Agathe, alors que moi je raisonnais vraiment davantage sur du court terme, ce qui m'a permis de me rendre compte petit à petit que d'autres problèmes allaient survenir, mais comme j'étais la tête dans le guidon des premiers, ouais. Au final c'était pas trop gênant. Donc je te dirais forcément pas bien prêt, peut-être insouciant. Je me demande si c'est le fait que la grossesse se passe dans le corps de la femme et qu'au final, nous, bien sûr qu'on se pose quelques questions, mais on s'en pose moins sur notre capacité à devenir papa et à réussir à l'être. Quelque part, comme l'enfant est pas en nous, peut-être qu'on se dit qu'on a moins de responsabilités, alors qu'au final, on en a tout autant. Donc, comme je te dis, les souvenirs s'effacent assez vite, finalement, parce que très vite, t'es dans le quotidien. Oui. De ce qui se passe et dans les prochaines échéances. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, ils n'ont que 5 et 3, mais en ressenti, c'est 15 et 9, parce que J'ai l'impression d'avoir déjà fait plein de choses. Et en même temps que le temps est passé ultra vite aussi. Mais oui, je me souviens pas de tout. Du coup, je reviens juste sur le moment de la grossesse et du début. C'est intéressant ce que tu dis. Tu penses qu'on prend moins conscience, on vit moins la grossesse de ce que tu as ressenti. Je le partage. Hein. Je partage qu'on est moins percuté par la réalité. Plus le temps passe et plus ça monte quand même. Ouais. Mais il y a eu, je pense que dans la grossesse, dans les grossesses pour moi, surtout la première, je comparais plutôt à la première, il y a eu le moment où on l'a appris. On était à fond. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, il y a eu des moments où je pouvais oublier. Alors, pas oublier totalement. Il y a des moments où je pouvais ne pas trop y penser, mettre de côté. Et ma femme, pour le coup, je pense qu'il y a peu de moments où elle a oublié. Où ça a été 9 mois. Son corps la rattrape, finalement. Ça a été 9 mois complet de grossesse. Moi, ça a été 9 mois par intermittence, avec, sur la fin... une petite montée quand même des différentes choses. Ouais. J'aime bien le fait de se dire qu'on n'a sûrement pas vécu 9 mois, on n'a pas vécu les mêmes 9 mois, ça c'est sûr. Bah moi j'ai l'impression, tu vois, sans rentrer trop dans les images mathématiques, si chaque mois, et à la fin, si à la fin t'es 100% par an, ouais. Bah la maman au premier mois elle est 0, après elle est 10, 20, 30, 40, 50, ça augmente aller de manière assez régulière. Le papa, il est 0, il est 1, 1, 1. Au 8e, tu vois, il commence à monter petit à petit. Et puis au final, c'est vraiment quasiment soudain le sentiment de devenir papa et de cette responsabilité. Il intervient vraiment quand tu commences à être dans le vif du sujet, quand tu arrives à la maternité et que c'est le jour J. Et ce que tu décris, je l'ai ressenti aussi parce qu'au final, comme tu as moins cette partie physique en toi, 9 mois, c'est quand même très long, finalement. Oui, oui, oui. Ouais. 9 mois, il a pu se passer pas mal de choses, même des déplacements à l'extérieur professionnel où, au final, tu te dis ouais, « ça va pas changer grand-chose à ma vie, je vais pouvoir continuer à vivre de la même manière », jusqu'au moment où ça arrive et au final, tu fais dans l'autre sens ces déplacements professionnels qui étaient des moments où ça pas où tu sortais, tu les raisonnes dans l'autre sens en te disant « J'espère qu'ils vont rapidement se finir pour que je puisse être tranquillement à la maison ». Être avec ma famille. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une autre approche finalement qui intervient. Quasiment, tu deviens papa plus à la naissance. Peut-être que tu deviens maman plutôt au moment où tu apprends que tu as la grossesse. Ouais, ouais. Voilà comment je le ressens. Oui, alors après, il faut partager ça évidemment avec les mamans. Mais peut-être qu'elles aussi, hein, ça monte progressivement. Et peut-être des moments d'absence. Mais je pense savoir qu'il y en a sûrement... Un peu moins. Un peu de papa. Je sais pas si tu veux revenir forcément sur l'accouchement, le moment, si tu l'as bien vécu. C'est quand même un moment particulier. C'est un moment où tu te sens pas forcément très utile. Ouais. T'es dans la pièce parce que tu sais que t'as nulle part d'autre où être. Bien sûr. Mais quelque part, t'as la partie médicale et la partie ce que vivait ma femme. À part techniquement tenter de rassurer, quelque part, ta présence, elle est indispensable parce que tu pourrais être nulle part ailleurs. Oui, oui. Mais c'est pas le moment où t'es le plus utile de toute la vie. Oui. Alors que par contre, ça bascule très vite juste après. Oui. Dès la naissance, tu l'es et il y a des choses il y a des allers-retours qui sont nécessaires pour organiser beaucoup de choses. Oui. Mais sur le moment, vraiment, j'ai souvenir de me dire c'est un moment qui va passer, mais c'est pas celui où j'aurais le plus servi la patrie. Je sais pas, tu t'es eu ressenti comment, toi ? La même chose. Après, en amont, c'était le moment le plus angoissant. Pour moi, c'était pas le stress, c'était pas après, c'était pas les couches, c'était pas la naissance, c'était pas l'adolescence ou la vie, c'était l'accouchement. Je m'en étais fait une montagne depuis des années. Et au final, il y a eu deux déclics. Le premier, c'était la visite. Donc, ma femme avait des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital où elle a accouché. Moi, j'étais au premier parce qu'on ne savait pas. Donc, au final, même le premier, ce n'était pas pour les papas, c'était que pour les mamans, pas de souci. Par contre, il y avait le 8e, je ne sais plus combien. Il fallait que les papas soient là. Donc, je suis venu. Elles avaient plein de private jokes, c'était assez marrant. Et nous, on était on était un peu regardés. C'était un moment particulier. J'ai beaucoup aimé, hein, mais... Alors, bah, les papas, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, on était questionnés dans tous les sens, un peu comme aujourd'hui, tu vois. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup partagé tout ce qui était dit à chaque fin de cours. J'avais le droit au débrief. J'étais un peu frustré, d'ailleurs, de ne pas avoir pu trop en faire. Même le premier, on avait... T'en avais qu'un seul où t'étais autorisé à venir, c'est bah, ça? Ouais, c'est à ça. À part celui où j'ai squatté, le premier. Droit. Voilà, exactement. Je crois, bah, ma mémoire a fait peut-être défaut. Il me semble que le premier, j'avais voulu venir. Et du coup, bah, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants qui étaient faits. Il y avait, alors, c'était effectivement très... Enfin, c'était orienté pour les mamans. Mais il y avait quand même des réflexions. Je me souviens d'un cours qui m'a marqué, alors que j'y étais pas, mais qui avait beaucoup marqué ma femme. Celui où elles ont toutes pris conscience que elles étaient la fille, la fille de leur mère, et qu'elles allaient basculer, elles allaient devenir mère, et que du coup, la mère, elle allait devenir grand-mère, et que du coup, tout était un peu repoussé, et du coup, il y avait un peu, bah, je vais ressembler à ma mère, je vais chasser. Le statut dans la famille qui bascule. Exactement. Et ce truc-là, ça l'avait beaucoup marqué. Ouais. Et moi, ben, du coup, dans ma réflexion, je m'étais aussi dit, mais c'est vrai que ben, oui, je vais changer de statut, je vais faire changer de statut mon papa, je vais... Et tu vois, je trouvais ça un peu dommage de ne pas avoir été là et que ce soit, au final, ma femme qui m'en parle le soir dans la salle de bain. Je sais exactement où on était quand on a parlé de ce truc-là. C'était vraiment, tu vois, les trucs qui m'ont marqué. Bon, c'est pas le sujet. Toujours est-il que dans le cours, on était enfin autorisés. Il y a eu les visites des salles d'accouchement. Et ce jour-là, j'étais vraiment très, très, très content de pouvoir y être, de pouvoir regarder, de pouvoir savoir comment c'était, de repérer les lieux, ouais. En fait. Comme la visite de l'école, finalement, quand l'enfant devient plus grand. Et j'ai fait Paris-Versailles, il y a la Côte des Gardes, qui est une montagne qui fait 2 km. La semaine d'avant... c'est ton repérage. La semaine d'avant, j'y suis allé. Ouais. Je l'ai couru, il n'y avait personne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bidon. Enfin, c'est 2 km, quoi. Ça monte, mais c'est 2 km. Et le jour J de la course, j'ai couru les 6 km à plat, et puis arrivé en bas, je me suis dit, mais là, maintenant, il n'y a plus que les 2 km, et après, c'est fini. Mais il en reste plus que 10 derrière, mais on s'en fout. Et en fait, ça a dédramatisé ça le truc. Et je l'ai vraiment eu. J'ai vraiment eu un déclic ce jour-là de me dire, ah, ben en fait, c'est une pièce comme une autre. Je suis déjà allé 50 fois dans les hôpitaux. Ben là, juste, la chambre est un peu plus grande. Y aura sûrement un peu plus de monde. Et puis voilà. Ça, ce jour-là, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont débloquées dans ma relation. Et puis après, ben, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'en attends pas, tu peux te faire des montagnes de choses. Et puis après, il y a la réalité. Et plus le temps passait, et plus je me disais, bon, de toute façon, il faudra que je sois là, il faudra que je sois à ses côtés. Je peux pas flancher, je peux pas... Enfin, c'est pas possible. Donc, du coup, très naturellement, ça s'est fait. Je parlais du deuxième déclic, je parle beaucoup, mais le deuxième déclic, ça a été au moment de la sortie. C'était un peu sportif, il y avait un peu de choses à manipuler. Et du coup, ils ont appelé l'interne. Quand l'interne est rentré dans la salle, c'est marrant parce que moi, je me suis dit, ah ben du coup, il y a une personne en plus qui sait bien faire son métier, du coup, ça va bien se passer. Alors qu'on aurait pu l'interpréter comme, merde, il y a une interne, du coup, c'est qu'il y a un problème qui se passe. Et moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Moi, je me suis dit, bon, si l'interne est là, c'est bon signe. C'est bon signe, ouais. Ça va bien se passer. Et effectivement, elle a manipulé, il y avait un peu de manipulation avant. À manipuler le truc, et puis ça s'est bien passé, elle a dit, bon, ben voilà, c'est bon, c'est sorti, et puis voilà, tu vois. Donc là, bon, ben, finalement, ça s'est bien passé. Mais bon, je m'en étais vraiment fait une montagne, et au final, ben, un peu comme tout, un peu comme tout ce qui se passe aujourd'hui, encore aujourd'hui, je vis des choses pour la première fois, hein, tous les jours avec mes enfants, je le fais de manière assez naturelle. Naturelle, hein. Oui. Je ne sais pas si toi, tu as ce ressenti, mais je vais te livrer un de mes plus grands secrets de papa. C'est qu'en fait, quoi qu'il se passe, je saurais faire. Je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que je vais faire, de changer une couche, je ne l'avais jamais fait. Je l'avais sûrement peut-être fait pour ma petite sœur, j'avais sûrement regardé. Mais arriver devant la couche, bah, tu fais quoi. Ouais. Tu fais. Tu si sais, jamais tu la mets à l'envers, bah dans 2 heures, tu la remettras à l'endroit et voilà. Ça sera réglé. Et puis, je sais pas, même pour plus tard, il y aura sûrement les exercices de maths, de trucs que je... Bah en fait, bah, il suffira de se poser et puis de le faire. Et puis c'est tout. Et puis je lirai un livre, je lirai le livre de mon fils, comment est-ce qu'il faut faire le truc. Et puis je regarderai. Et puis s'il faut poser les fractions différemment. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de gros problème. Il n'y a pas de souci. Je te dis, Moi, tout ce qui se passe, je le vis et je le fais. Et puis voilà, la première fois où il a vomi, c'était un grand, grand moment de solitude parce que c'était vraiment très compliqué. Mais ben, tu fais. Dire, tu le consoles, tu nettoies, tu rinces. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est intuitif. C'est ça. T'as pas besoin de le lire dans un livre. Oui. Maintenant, le lire dans un livre peut te rassurer. Oui. Certaines personnes en ont besoin. Oui. Après, je dis ça de manière détachée, mais il arrivera forcément une fois où je serai mal à l'aise ou perturbé par situation. Maintenant, il faudra la vivre une fois et. C'est ça. Et tu peux toujours arriver à t'en sortir. Ouais, moi, c'est ce que je ressens souvent, et c'est ce que j'ai beaucoup ressenti au début, c'est qu'au final, il va falloir sortir de la maternité, il n'y a pas de souci. Et surtout que c'est le message que tu dois, l'image que tu dois donner, et je pense à l'enfant et à la maman. Ouais. Si la sérénité que tu dégages, elle permet à tout le monde de vivre dans un certain calme et éviter justement que tu transfères ton stress, parce que quelque part, même au niveau du bébé, j'ai l'impression que un bébé ressent l'inquiétude qu'on a ou le stress. Plus on arrive à lui montrer que dans ces différentes situations il n'y a pas lieu de s'inquiéter, plus ça va être facile de pouvoir le calmer, le détendre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Oui. Et comme ça que j'essaye de faire en sorte avec Agathe. Ah, ok, excellent. À mon humble échelle. Oui. Ah bah, à ton sans échelle. Sans avoir prétention d'écrire des manuels d'explication de comment ça marche, parce que j'ai bien connaissance qu'il y a des milliers de façons de faire et qu'en plus, il n'y a que des façons personnelles de faire. Exactement. Tu t'adaptes. L'accouchement passé, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu, du coup, un petit peu de changement, toi, dans ta vie perso? Qu'est-ce qui a été bouleversé et qu'est-ce qui n'a pas forcément eu beaucoup d'impact? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà, moi, il y a tout ce qui va être très très pratique, mais déjà, il y a aussi l'état d'esprit par rapport à ta carrière professionnelle. Ça, c'est surprenant que ça aille aussi rapidement, mais en fait, c'est quasiment après la naissance d'Agathe que je me suis dit « Ok, je m'emmerde dans mon travail, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. » Là, j'ai changé il y a quelques mois d'entreprise et même si tout n'est pas encore parfait dans mes nouvelles missions, il y a quelque chose qui est nouveau et qui est vraiment un marqueur de la naissance d'Agathe, c'est que maintenant, je peux avoir n'importe quel échec dans ma vie professionnelle. Je ne me dis pas que j'ai une vie accomplie, mais quelque part, je me dis qu'il y a plus important dans ce que je vis au quotidien. Et donc, bien sûr qu'il y a plein de choses matérielles et d'organisation qui changent, mais ça, c'est quand même un marqueur qui fait que, bon, ok, ça fait maintenant 10 ans que je travaille, il pourra se passer des choses dans ma carrière, si jamais ce coup-ci, ça ne fonctionne pas comme il faut, et ben je me recentrerai sur autre chose et y a des choses super importantes qui comptent. Mmh. Et aujourd'hui, le fait dès le début de l'après-midi de vouloir rentrer à la maison parce qu'on sait qu'il y a la famille, c'est quelque chose que, même si tu es toujours content de retrouver ta femme le soir, hein, on va pas inverser les choses, mais c'est une relation et un rapport qui est complètement, complètement nouveau avec la naissance de la petite. Ça, c'est vraiment comment ça fonctionne dans ma vie professionnelle et les différences que ça a fait. Du coup, ça t'a donné en fait du courage dans ta vie professionnelle de te dire qu'en fait, tu pouvais foirer des trucs et ça t'a donné envie en fait de développer ta carrière ou plutôt de mettre de côté et te dire bah en fait le plus important c'est la famille. C'est plus vraiment le plus important c'est la famille en fait. Okay. Mais en fait c'est particulier parce que mon métier précédent me permettait d'être extrêmement extrêmement flexible. Okay. J'avais beaucoup de télétravail et en plus ça arrivait un moment où je commençais à plutôt maîtriser cette fonction. Donc j'ai eu quand même la chance les 7-8 premiers mois de pouvoir finalement passer beaucoup de temps avec Agathe. Okay. Et avec Madeleine. Donc tout ce temps-là m'a fait dire que tous ces premiers moments qui sont les moments tendus de l'organisation, bah, j'ai pu être extrêmement là. Et ça, c'est génial. Et à partir du moment où on a commencé à trouver notre rythme, là, j'ai pu me dire, bon, bah, je m'ennuie sur mon travail, il est temps de passer au final à autre chose. Et en plus, à ce moment-là, il y avait aussi le changement dans l'approche qui est de se dire, le travail, c'est important, mais au final, il y a quand même la famille qui compte plus. Mais ouais, je te dis, la sensation de savoir les premières fois où tu pars que quand tu rentres, il n'y a pas une personne, mais deux personnes qui t'attendent Ouais. et plein de modalités nouvelles, c'est quand même une vraie perception. L'insouciance de dire je vais aller me balader ou je vais faire mon petit plan à moi est un peu différent parce que tu te dis que tu vas programmer différemment. Ouais. Un exemple tout simple, c'est j'aurais très bien pu me dire et pu faire un peu de sport le soir, mais je me disais, imagine, tu travailles la journée. Tu rentres vers 18h, Madeleine, elle s'est tapée Agathe toute la journée avec les tâches pas forcément les plus sympas. Tu rentres, tu te poses un pot et tu dis, j'ai bien bossé moi, il me faut ma dose de détente et je vais aller courir. Donc ce qui fait que techniquement j'ai fait assez peu de sport durant la période où Madeleine était en congé maternité parce que quelque part, Tu voulais pas en termes de. louper. Ouais, je voulais pas louper et au final tu te rends compte que tout le temps que consacre la maman, et ben pendant que toi tu travailles, pendant que toi que tu travailles, tu peux pas être 100% là. Donc c'est j'estimais mon rôle en tant que papa, une fois rentré, de contribuer à pas un équilibre, mais en tout cas à faire des choses pour qu'il y ait vraiment chacun qui s'investisse là-dedans. Voilà, en tout cas c'est ça ma perception. Et l'une des modifications qu'il y a eu juste après la naissance. Après, il y en a plein de manière très pratique, Ouais. mais c'est plus l'état d'esprit, Ouais, tu d'accord. vois, Ah, c'est qui marrant a. que le... Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de repréciser, parce que du coup, ça s'est fait en deux étapes. Il y a eu l'étape tout début où il y a eu beaucoup de présence, et grâce notamment à ton ancien boulot où tu avais Oui, cette c'est ça. flexibilité. Et ensuite, du coup, la prise en compte, une fois que le rythme était pris, de se dire, maintenant, je peux faire autre chose, et je peux aussi m'épanouir, faire d'autres trucs au travail. Ok, très bien. Moi, j'ai un peu eu la même chose. Ça a sûrement peut-être duré un peu plus longtemps, moi, le fait d'être dans le confort, de pouvoir être très présent. Et j'ai aussi changé, moi, de boulot, de mission, en tout cas, dans la même boîte, pour pouvoir faire d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, très régulièrement, il y a le fait de se dire que bon, c'est bien, mais le soir, il y a des choses à faire, quoi. Il y a plein de moments à passer. Et voilà, je prends du plaisir dans les déplacements, mais bon, ça n'a pas la même saveur qu'avant. Je sais que les premières années de travail, lorsque j'avais pas d'enfant, elles étaient abordées différemment, quoi. Il y avait moins de... ou plus de... plus d'implication, mais alors je suis très impliqué aujourd'hui dans mon boulot, mais il y a quand même une partie, quelque part, qui se dit que bon, c'est bien, mais il y a autre chose, quoi. Ah, Il y a c'est autre sûr. chose. Un peu de pop. Alexandre, dans le premier épisode, avec Fabien, c'était censé être une rubrique, c'est finalement devenu le thème de l'épisode, mais on est censé avoir la rubrique l'obsession du moment. Ce que je te propose, c'est de pouvoir. Alors, Agathe a 13 mois. Est-ce qu'elle a déjà une obsession du moment, comme on l'avait qualifié dans le premier épisode? Eh ben, et figure-toi qu'elle a un attachement à son doudou Oui. qui devient incroyablement fort. En fait, c'est surprenant parce que l'approche qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas forcément voulu qu'elle ait de tétine. Donc elle a pris son pouce, on était plutôt contents, ça se passait bien, elle s'endormait avec son pouce. Après, elle a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de peluches de la part de l'entourage, des amis au moment de la naissance. Et on était très fiers de dire, oh, tu sais. Elle a pas mal de peluches, et ce qui est sympa, c'est que le soir, quand elle s'endort, on peut lui mettre n'importe laquelle et ça va bien se passer. Et là, en fait, on se rend compte petit à petit qu'elle s'est bien focalisée sur un doudou précis, qu'on a même acheté en double pour permettre d'avoir toujours un substitut Bien sûr. au cas où, et surtout pour en avoir toujours un de, je dirais pas propre, mais moins sale peut-être, plutôt que propre. Mais quelque part, en fait, là où je me rends compte que ça devient l'obsession du moment, c'est que quand je récupère Agathe à la crèche, je me rends compte que tout à proximité, il y a son lapin doudou, mais j'en vois pas d'autres des autres enfants. Donc je me dis que je pense qu'elle commence à être assez obsédée par cet objet qui est quand même une sorte de talisman pour elle quand elle est fâchée, fâchée ou fatiguée ou qu'elle pleure et qui a quand même vraiment un super impact. Mais ouais, je dirais que c'est ça son obsession du moment. D'accord. Ok. Ah, c'est marrant, vous l'avez en double. J'ai bien sûr dans mon armoire, juste derrière mes shorts, le deuxième doudou d'Eliott. D'accord. Heureusement, si je crois qu'on l'a utilisé une fois parce qu'on l'avait oublié chez des amis ou je sais plus où, peut-être chez vous d'ailleurs. Et du coup, on lui a donné. Bon, il était déjà assez grand et il nous a fait réflexion. Il m'a dit, mais il est propre celui-là. Et il a compris que c'était pas forcément qu'il y avait vrai, un subterfuge. Qu'il y avait un subterfuge. Et on l'a rééchangé après et puis il l'a retrouvé. Mais celui-là, il pue. C'est le mien. Voilà, c'était c'est un peu bon. Ça. C'est ouais. Le bon. Non, celui-là, il est sale. C'est parfait. C'est comme je l'aime. Pour ma fille, il n'y a pas vraiment eu non plus de doudou fétiche. Il y en a eu un. Et il y a peu de temps, on l'a perdu, mais il y en a d'autres. Et puis, elle en mais a... Elle arrivait à se réadapter. Mais bon, après, ma fille, elle n'a pas le même caractère que mon fils. Elle est très fière, donc elle le dira pas. Peut-être que ça l'embête, mais elle préférera... Par principe, Elle précisera pas. Elle dira, non, c'est bon, je peux prendre celui-là. En fait, on a aussi fait... On a aussi essayé d'avoir des doudous un peu partout. C'est-à-dire que le doudou restait dans son lit, et quand elle est chez la nounou, il y avait un doudou chez la nounou. Donc, ouais, ok, il y avait un doudou par endroit, et voilà. par situation, par environnement. Exactement. Ouais. Et puis en plus, chez la nounou, il y en avait, à mon avis, 2-3. Il y en a eu 2-3, parce que là... La nounou s'est terminée il y a quelques jours, donc elle nous a rendu tout le matériel et tout ce qu'elle avait. Donc il y avait effectivement, je les avais oubliés, ça faisait plusieurs années que je les avais pas vus. Donc on en a récupéré 3, je crois, de chez la nounou. Donc là ils ont été rapatriés dans son lit. Donc en ce moment elle en a plein et elle a un peu oublié celui qui était son principal, l'officiel. Mais bon, c'est pas le même rapport qu'avec mon fils. Et on l'avait du coup pas en double et ça n'a pas été un problème. Donc voilà. Et celui d'Eliott, bah, je l'ai toujours dans mon armoire et bon, il a 5 ans, il l'a toujours dans son lit. Après, il le sort un peu moins que Céleste, forcément. Il est un peu grand, donc il le traîne, mais il le balade moins. Il reste beaucoup dans son lit. Même le matin, quand il sort de son lit, il le laisse dans son lit. Donc voilà, c'est plus... Mais bon, il le faut quand même. Là, ils sont partis. Il faut qu'ils soient présents. Ouais. Il faut quand même qu'ils soient présents. Enfin, pour les longs voyages, ce genre de choses, ça peut l'aider un petit peu à s'endormir. Mais bon, c'est pas... C'est... Maintenant, ça va. Il va aller sur ses 6 ans. Donc ça, je pense qu'on va doucement pouvoir s'en passer. Alors moi, les obsessions du moment, on va dire qu'il y a deux types. Céleste va rentrer à l'école en septembre. Et Eliott va rentrer au CP en septembre. Donc, de grands moments. Ça parle beaucoup école en ce moment. Oui. Déjà, nous, un peu de manière naturelle. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a reçu le courrier de l'école maternelle parce qu'il va y avoir une rentrée échelonnée. C'est soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi. Et nous, on avait choisi la faire le lundi dans nos choix. Et on a eu la réponse aujourd'hui. Effectivement, ce sera bien le lundi de septembre. Donc, tu vois, même de manière assez pratico-pratique, il y avait des papiers à rendre, il y a des listes, il y a des choses, donc ça nous occupe pas mal. Et puis, on en a aussi beaucoup parlé à Céleste parce qu'elle allait quitter la nounou, donc ça faisait 2 ans et demi qu'elle était chez la nounou. Donc bah, il fallait préparer tout ça, le fait qu'elle n'y aille plus, tu comprends bien qu'après tu la verras plus. Oui, mais je voudrais quand même continuer à la voir. Mais tu pourras la voir, mais pas toute la journée. Là, tu vas faire comme Eliott, toute la journée tu vas être à l'école, et puis de temps en temps, le week-end, tu pourras éventuellement la revoir, donc... Ça, il a fallu aussi beaucoup parler. Donc, on a beaucoup parlé de l'école. Pour Eliott, il y a eu la visite de... Il y a eu les réunions. Il y a eu la visite de l'école primaire. Il a passé une demi-journée dans la classe des CP. Donc, c'est pour ça que ça occupe pas mal nos esprits. Et puis, eux, entre eux, avec les copains, voilà. Ils vont dans les mêmes écoles Oui, alors... Ouais. Ils vont aller à la même école. Après, comme lui, il change, il traverse juste de bâtiment, il change de bâtiment. Mais c'est, il y a une rue piétonne entre les deux. Donc, ils vont se croiser un peu, peut-être le mercredi, quand il y a le centre de loisirs, si elle va dans son école à lui. Mais bon, ils ne seront pas à la cantine ensemble, ils ne seront pas dans la cour ensemble. Donc, ça, c'est un peu dommage. Le fait qu'ils aient 3 ans pile, c'était pas le... C'est trop, et du coup, ils vont pas être ensemble. Après, ils seront ensemble en primaire. Pendant une partie, Voilà, exactement. C'est pas... Mais elle, enfin, c'est pas un souci parce qu'elle, elle connaît tous les lieux. Contrairement à Eliott, quand Eliott est rentré à l'école, mais il connaissait personne. Là, Céleste, ça fait 3 ans que tous les matins, elle va à l'école, qu'elle regarde Eliott partir, qu'elle accompagne Eliott dans la classe. Elle connaît les maîtresses, elle connaît les animateurs, elle connaît les lieux, elle connaît les toilettes, elle connaît la cantine, elle connaît tout. Donc, c'est pas un problème si Eliott n'est pas là. Et puis, de toute façon, Eliott n'avait personne, donc Céleste, ce sera pas un souci pour elle. Donc ça, c'est plutôt l'obsession qui occupe beaucoup notre esprit, nos esprits, à tous les 3, tous les 4. Je ne sais pas qui j'ai oublié en disant 3. Et après, il y a des choses... je pense que tu le verras un peu plus tard, surtout avec l'école, avec les copains, il y a des sujets qui reviennent, il y a des modes, comme nous on a vécu aussi. Hein, le yo-yo, visiblement. Le yo-yo, exactement. Et lui en ce moment, c'est plutôt le yo-yo. Il a des yo-yo un peu dans tous les sens. Aux anniversaires, il offre des yo-yo. Lui, il en a eu un. Il en a eu un deuxième. Alors, il en a eu un qui était. En fait, c'est vraiment un truc ultra facile. Je sais plus comment il l'a eu, celui-là. Mais il s'accroche au doigt, déjà. C'est un truc qui s'accroche très fort au doigt. Ouais. Et puis, tu le lances et il revient tout de suite. En gros, c'est un élastique. C'est un élastique qui descend et qui remonte. Et tu peux pas faire de nœud avec. Tu peux pas te louper. Il reste tout le temps dans la position en haut. Tu as plus le geste, en fait. Voilà, de faire il faut le yo-yo, jeter vers le bas et puis il remonte. Il faut plus la technique pour que ça remonte. Voilà, là, exactement. Part. Et puis après, il en a eu un autre de yo-yo, un vrai, celui qu'il faut remonter. Bah celui-là, il n'arrive absolument pas. C'est une catastrophe. En plus, je pense qu'il est, il fait 1m15 à peu près. Donc son bras est à 90 cm du sol. Et la ficelle doit faire 1m50. Donc il va falloir quelques temps pour que ça peut pas fonctionner. Et elle aussi, du coup, l'utilise aussi. Donc c'est encore plus drôle parce qu'elle, elle arrive absolument à rien. Elle arrive même pas à le rembobiner. Donc voilà. Mais ça, c'est le truc du moment. Plutôt chez Elliot, mais chez Céleste aussi. Alors il y a des lieux pour faire ça, pas devant la télé, parce que je sens qu'un jour le yo-yo va partir au milieu de la télé. Passer, ouais. Donc ils n'ont pas le droit, mais bon, dès que j'ai le dos tourné de temps en temps, j'entends le yo-yo qui fait le tour et je me retourne. Bon, il est dans sa main, non, mais je ne l'ai pas lancé. Bon, on va faire ça dans ta chambre. Donc voilà, ça c'est plus la petite obsession, ce qu'on a appelé l'obsession du moment. Ah, bah, pop. Alexandre, je voulais aussi te parler d'une rubrique que j'aurais voulu lancer dans notre émission. C'est la rubrique La honte de la semaine. Alors, de la semaine, si tu n'as pas de honte dans cette semaine, tu peux piocher dans la semaine d'avant, même dans le mois d'avant. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer, moi, la honte, les hontes, parce que j'en ai trois. J'en ai trois, tu verras. J'en ai un pour chaque enfant et puis j'en ai une pour moi aussi. Je commence soft par lui. Un soir, je vais le chercher au centre de loisirs ou à l'école, le soir. Et c'était pendant la canicule, donc c'était casquette, crème solaire et bouteille d'eau obligatoire pour donner le matin à l'école. Et forcément, en plus, c'est la casquette que je lui ai donnée, c'est une casquette que j'ai ramenée des États-Unis. J'y tiens, moi, beaucoup. Peut-être plus que lui. Bon, il a compris quand même que j'y tenais. Il y fait attention. Le soir, j'arrive et je le vois dans la cour. Alors, s'il était dans l'école, ça ne m'aurait pas choqué, mais il était dans la cour et je le vois sans casquette. Donc, il me voit arriver, il voit que je ne suis pas content et tout de suite, il me dit « Papa, oui, mais ma casquette. » Il avait compris qu'il y avait un souci. J'y allais où ? Oui, mais en fait, machin me l'a enlevé et il l'a jeté sur le toit. Je dis « Mais comment ? Quand ?» Depuis avec combien de puissance a-t-il pu la mettre sur le toit ? Alors, le problème, c'est qu'il est dans une école qui est de plein pied. Donc, il n'y a qu'un seul, étage. D'accord. Donc, les toits sont assez bas. Je lui dis, mais il n'y avait pas d'adulte. Tu l'as dit à personne. Non, mais il m'a empêché. Il ne voulait pas que j'aille le dire à un adulte. Bon, très bien. Et puis, il ferme en plus l'école. Parce que ce soir-là, je suis venu un petit peu tard. Quasiment 18h30, 18h28, on va dire. 29 peut-être. Et ils étaient en train de fermer, donc j'y attendais, rouvrez-moi, il faut que j'aille chercher une casquette. Donc je sors quand même du bureau, je suis plutôt bien habillé, et bon, c'était la canicule, j'étais pas non plus en cravate. Et j'ai escaladé une barrière, je suis monté sur un toit, j'avais les mains relativement sales, j'ai retrouvé sa casquette, j'ai trouvé des ballons aussi de foot que j'ai pu descendre dans la cour. Ah, il faut que je les range, je lui ai dit non, il reste là maintenant, il faut qu'on y aille. Et puis voilà, donc du coup après j'ai eu les explications de pourquoi, comment, il y avait eu toute une histoire. Il n'était pas forcément tout rose dans l'histoire, on ne lui avait pas innocemment attrapé sa casquette jetée, il y avait eu d'autres trucs, mais bon voilà, toujours est-il que j'ai eu le droit de monter sur un toit et d'aller chercher une casquette. Donc ça, c'était cool. Deuxième chose, Céleste, un soir, je vais la récupérer chez la nounou, et il y a le mari de la nounou qui est présent, et comme il faisait très chaud, il était en short, pas souvent, parce qu'il travaille, il a un travail manuel, et où il a besoin d'être bien protégé, et puis là, il était en short, et je lui dis, bon allez, on y va, va dire au revoir, Et elle arrive, donc lui il était assis, elle était debout, donc elle était plutôt au niveau de ses jambes. Et au lieu d'attendre qu'il se baisse pour lui faire un bisou, bah en fait elle lui a léché, elle lui a léché la cuisse ou la jambe, je sais plus quelle partie de la jambe. Tranquillement, mais comme si de rien n'était. Normalement, surtout. Mais alors il y a que nous qui étions choqués, apparemment. Et donc on s'est tous morfondus en excuses, on a essayé de trouver Noé, mais en fait c'est parce que d'habitude il porte pas de shorts. Enfin tu vois, c'est devenu ridicule. On était tous très gênés, sauf elle bien sûr. Et puis après je lui ai demandé mais pourquoi. Elle m'a dit non mais je sais pas, j'avais envie, j'ai pensé à ça. Donc voilà, c'était assez honteux qu'elle puisse faire ça. Bon, à chaque fois je lui dis j'espère que ça arrivera plus jusqu'au jour où. Mais voilà, sache que dans un excès... Ça peut toujours arriver, exactement. La dernière honte, je termine avec moi. Fin de l'année, synonyme de... on ramène tout ce qui a été fait pendant l'année dans les classes, à la maison, dans la classe et dans le centre de loisirs. Donc il y a beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses. On pourra reparler de l'école, c'est très très intéressant tout ce qu'ils font. Et puis du coup, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de projets arts plastiques. Donc on a fait un peu de tri avec eux. On a fait des tas, ça c'est ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas forcément garder. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui passent d'un tas à l'autre, il y avait des choses qui étaient à garder. Ah non, mais celui-là finalement j'en ai plus besoin, tu peux le jeter, donc voilà. Non, celui-là c'est vraiment un super beau dessin, je veux absolument le garder. Moi, c'est très bizarre parce que c'est même pas toi qui l'as fait. Oui, mais c'est un copain, mais il me l'a offert, donc voilà, tu vois, c'est le délire. Donc du coup... La petite honte, c'est de se dire que de temps en temps, on fait un peu de tri aussi, nous, de notre côté, une fois que les enfants sont couchés, pour gagner un peu d'espace. On est dans des appartements parisiens, donc il y a des beaux projets qu'on peut afficher au mur, et puis il y a des feuilles à dessin par dizaines qui ne servent à rien. Ce qu'on appelle les avant-projets. Oui. Tu parles de beaux projets, et puis oui. Ce qui est en amont, oui. La réflexion. Quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que je pense qu'il passe plus de temps à se justifier pourquoi il veut le garder qu'il a passé de temps à le faire. Ah, donc, mais tu comprends, papa, celui-là, je m'en souviens, je l'ai fait avec mon crayon vert. Et alors, mais c'est un avion. Non, c'est pas un avion, papa. C'est plus qu'un avion. C'est une épée. Je dis, mais comment ça? Non, mais si tu les mets ensemble, tu peux faire... Ok, c'est bon. Mets-le dans cette boîte. Je m'en occuperai plus tard. Et effectivement, plus tard, y a, sur les 10 épées qu'il a gardées, il n'y en a peut-être plus que 3-4 qui sont réellement conservées parce que les autres, j'ai fait un peu de tri dans les feuilles. Les épées, hein, ce sont les feuilles qui sont roulées. Hein. Oui. C'est une feuille qui est roulée. Oui. Voilà, on n'est pas sur une vraie épée. Oui, on parle bien d'une épée roulée dans une feuille. Voilà. Oui, exactement. D'accord. Donc voilà, donc c'est un peu honteux, mais bon, de temps en temps, il faut faire un peu de tri. Et puis là, en plus, pour peu, enfin après, il a oublié les épées. Je pense qu'il les a oubliées. Je compte sur ça, et je me dis que dans 2 mois, quand il aura besoin de son épée, je pourrais toujours lui dire. Mais tu pourrais toujours rouler une feuille. Mais je pourrais toujours lui dire aussi. Mais écoute, où est-ce que tu les as rangées? Si tu ne ranges pas ton bazar, je peux pas savoir où s'en sortent. Exactement. Voilà pour la honte. Ah, franchement, oui, mais il y a des belles. Il y a des beaux moments et parfois tu te dis. Tu te sens gêné, indisposé et tu sais pas trop comment réagir. Mais parfois aussi, c'est toi, en tant que parent, qui te dis bah mince alors, j'aurais pas dû fonctionner comme ça. Et c'est plus dans ce sens-là où moi, tu vois, que j'ai compris cette rubrique, la honte en tant que papa. Et c'est marrant parce que l'anecdote, elle vient d'hier. Parce que hier, je suis pas bricoleur, hein, mais j'ai eu une mission incroyable à faire. C'est-à-dire que j'ai dû baisser d'un niveau le lit d'Agathe. Le lit, ok. Parce et ce qui paraît extrêmement simple sur le papier, avoir les 6 vis à dévisser et à juste positionner le niveau du dessous, s'est avéré être compliqué parce que déjà je l'ai fait dans le mauvais sens, puis qu'après il fallait retourner les lits, puis qu'après j'arrivais pas à passer mes mains entre les barreaux pour pouvoir y arriver. Toujours est-il que j'ai commencé ce chantier aux alentours de 19h, qui est un moment assez tendu en termes d'horaire pour Agathe, où elle commence à avoir faim et avoir envie de se coucher. Et en fait, pour être tranquille par rapport à ce grand moment stratégique et ce grand moment de réflexion, je l'ai positionné dans sa poussette et dos à moi pour pouvoir rester concentré sur le réel enjeu de la soirée. Oui, bien sûr. Qui est le montage de ce lit qui n'est quand même pas rien. Bien sûr. Et dont j'ai tiré une grande fierté. Et à quelle heure? Il m'a fallu à peu près 1 heure quand même. Ah oui, d'accord, ok. Pour 6 vis. Oui, à peu près. Et, je crois bien qu'il y en avait quand même une 10 au final, en rajoutant les 4 supplémentaires. Mais surtout, à chaque fois que je l'entendais, je disais, quel moment, hein, sans irrésistible, il disait, papa est sur quelque chose de très important, Agathe. Alors qu'au final, ouais, je pense que beaucoup de personnes auraient été capables de le faire en 10 minutes, mais moi, quelque part, ça m'a mis un temps fou et j'ai besoin de cette concentration. C'est pour ça que je l'ai laissé regarder le mur et je lui ai dit qu'il y avait de jolies couleurs sur ce mur et qu'elle pouvait imaginer plein d'histoires. D'accord. Par rapport à ça. Donc j'ai eu un peu honte de la manière dont je l'ai gardé dans la dernière, finalement. Et du coup, elle s'est pas endormie dans la poussette ? Elle s'est endormie. Et après, tu l'as transférée dans son nouveau lit. De dépit et de lassitude. D'accord. Et je l'ai réveillée comme si de rien n'était, après. Mais qu'est-ce que tu fais ? Quand même lui donner à manger. Bah dis donc, c'est bizarre, t'as fait une sieste. Ah, c'était avant le repas. C'était avant le repas, c'est ce qui donne tout le charme à... Tout le charme à ce moment. J'ai compris. À ce moment un peu tendu. J'adore, extraordinaire. Super. Denis est monté et aux dernières nouvelles, il tient encore et il n'est pas tombé. Bon, c'est bien. Bravo pour cette belle mission. D'ailleurs, en rentrant, je vais quand même resserrer les vis pour m'assurer que c'est bien bon. Oui, ce serait dommage. Alexandre, ça fait longtemps qu'on a déjà commencé. On ne dirait pas, en fait. Hein. Non, on ne dirait pas, mais je ne vais pas te dire combien de temps ça fait, parce qu'en plus, il va peut-être y avoir un peu de ménage. Mais ça fait de longues minutes qu'on est là. Vraiment, merci pour d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir partagé les choses, d'arriver à t'être souvenu de souvenirs de ces 13 mois et plus. D'avoir avoué les choses aussi. Inavouables, que ce soit sur les vices ou sur la grossesse. Et puis, je suis vraiment content que tu aies pu partager avec moi ce moment. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, peut-être qu'on se reverra et qu'on refera un petit bilan des prochains mois et des nouvelles choses découvertes par Agathe notamment. Merci beaucoup Grégoire de m'avoir invité. Il faut quand même dire quelque chose à ceux qui écouteront, c'est que moi depuis le début j'ai l'impression d'être Jean-Jacques Bourdin, d'être face à Jean-Jacques Bourdin avec ce micro. Donc déjà c'était un nouvel exercice pour moi et c'était effectivement intéressant de partager certaines choses, certaines expériences qui nous donnent en plus parfois des conseils et la matière à réagir. Donc c'est un super bon moment. Merci de m'avoir invité. Un dernier mot peut-être pour la France qui t'écoute. Tétine. Parfait. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Baba, c'est de la bombe, bébé.